Chapitre 6e. Pendant que les chevaux se gorgent à éclater de la pulpe bienfaisante et du sucre réparateur, les hommes font un dîner des plus sommaires. Quelques douzaines de figues de Barbarie récoltées sur les cactus, un petit fragment de tassaro sec et dur comme un morceau de cuir, et pour dessert, une cigarette complète ce repas improvisé. Ces hommes du désert sont d'une sobriété inouïe, ce qui ne les empêche pas de posséder une vigueur d'athlète et une endurance à toute épreuve. Après ce repas d'anachorète, les jeunes gens s'allongent sur le sable tiède, avec les zarapes sur les jambes, la selle sous la tête et la carabine à portée de la main. Les chevaux bien repus viennent se coucher près d'eux, sans la moindre entrave, comme des chiens fidèles, et lentement les heures s'écoulent sous la voûte du firmament. Heures vraiment magiques, pendant lesquelles s'interrompt et se reprend sans à-coups et sans fièvre, le bon sommeil réconfortant, où, durant ces intermittences voluptueuses de repos et de veille, l'œil charmé suit la marche des étoiles, où l'oreille amusée perçoit les bruits multiples de la symphonie nocturne, depuis le frôlement des phalènes, le volettement des chauves-souris ou le crissement des insectes, jusqu'au bramement du cerf, au glapissement du coyote, au miaulement du jaguar. Heure délicieuse, que repris par la civilisation, l'homme des villes n'oublie jamais et regrette toujours. Bientôt le soleil, rouge comme un bolide, émerge au ras des sables, presque sans aurore. Bob et le Mustang ont fait la grasse matinée. Ils se lèvent, s'ébrouent, se frôlent, semblent se concerter et retournent au fourrage du désert. Toujours exubérant, Joey parle d'abondance. Jean, préoccupé, répond par monosyllabes et rêvasses, absorbé, en regardant monter la fumée de sa cigarette. Il revoit par la pensée le fin profil de Juana, ses grands yeux, au regard si fier et si doux. Il croit entendre l'enivrante musique de ses paroles et songe « Hélas, un abîme nous sépare ». Le voyant ainsi parti au pays des songes, Joey s'en va vers la rude futaie épineuse. Le machette au poing, il se fraye un passage à travers les monstres végétaux et récolte les figues pour le repas du matin. Demeuré seul, Jean pousse un long soupir. D'instinct, sa main se porte vers la pochette intérieure de sa chemise de laine. Ses doigts se crispent sur une mince enveloppe de cuir collée sur son cœur, puis la retire de la pochette. Elle renferme la fleur lancée par Juana quand il fuyait, éperdu, secoué par la honte et la fureur. C'est un de ces beaux camélias dont l'odeur est là-bas si délicate et si capiteuse. Les pétales de nacre et d'ivoire sont flétris, mais ils ont conservé le suave parfum dont la subtile griserie monte au cerveau du jeune homme, comme une vivante émanation de la bien-aimée dont il symbolise le souvenir. Alors son œil bleu au reflet d'acier s'attendrit. Ses lèvres murmurent quelque chose qui ne s'entend pas et se colle passionnément à la chair relique. Il reprend, d'une voix basse et continue « Oh, Juana, chère Juana. Oui, un abîme nous sépare, mais je saurai le combler et je triompherai des hommes, des choses, de tout. » Un appel joyeux interrompt sa rêverie. Joey revient, portant dans son zarap une ample récolte de fruits. « Frère, voici le déjeuner. Les hommes ont déjà fini et nous sommes bien en retard. Vite, mangeons vite et en selle. » « Oui, frère, tu as raison. Quelques larges bouchées de voyageurs pressés et puis partons. » 10 minutes après, les chevaux sellés et bridés se mettent en marche. À les voir ainsi mâchonner leur mort, encensés de la tête et sautés comme des chèvres, on ne dirait pas qu'ils ont failli périr l'avant-veille. Maladie, empoisonnement, ils ne se sentent plus de rien. La piste est toujours visible, et les jeunes gens la suivent sans la moindre difficulté. Elle se dirige invariablement vers l'Orient et cela fait dire à Jean, si elle ne dérive pas vers le nord, elle aboutira fatalement au rivage de Tlaoualila. Et le soir même, l'événement lui donne pleinement raison. Les chevaux, ayant recouvré toute leur vigueur, ont gaillardement abattu 20 lieues dans leur journée. Cela d'ailleurs sans le moindre surmenage. Le soleil va bientôt se coucher. Il rutile sur les eaux du grand lac qui s'étale au loin à perte de vue. La piste est toujours perpendiculaire au rivage. Les sabots des 5 chevaux, suivis de Piraralito, s'enfoncent plus profondément dans le sable humide ourlant la lagune. On les voit transparaître un peu plus loin, à travers l'eau peu profonde qui baigne la plage. Ils avancent encore et, toute empreinte, voilée, disparaît. « Eh bien, ça y est, fait Jean, nous sommes à bout de piste. »« Pas mal, ce n'est pas mal du tout, » répond Joey. « Pouf, une malice cousue de fil blanc. Et qui ne saurait enfoncer de vieux routiers comme nous. Parbleu, c'est tout simple, je dirais même trop simple. Nos gaillards sont venus perdre ici leurs traces. Ils ont fait marcher pendant quelques lieues leurs chevaux dans l'eau, puis sont sortis soit en amont, soit en aval du point où nous sommes, et ils ont repris leur course à travers les sables, croyant bonnement nous avoir échappés. C'est trop nous prendre pour des cornes vertes. Eh bien, nous allons leur montrer avant peu qui nous sommes et ce que nous valons. Par crainte des crocodiles qui pullulent dans le bas-fond, les deux amis vont camper à 1 kilomètre du rivage. Dès l'aube, ils partent pour inspecter minutieusement le sol. Mais afin de gagner du temps, ils partagent la besogne. Cette portion de la lagune est orientée suivant une direction nord et sud. Jean de Fer partira seul vers le nord. Joey fera une randonnée vers le sud. L'un et l'autre marcheront jusqu'à midi et reviendront ensuite à leur point de départ. Ils échangent une cordiale poignée de main et s'en vont lentement, au pas, se tournant le dos et regardant de tous leurs yeux le sol. La journée s'écoule, morne et brûlante. Le soir venu, ils se retrouvent au rendez-vous avec une exactitude mathématique. Partis gaiement, comme pour une promenade, ils ont tous deux au retour le front soucieux, l'air grave et surtout déconcerté. « Eh bien ?» demande Jean sans préambule. « As-tu trouvé ?»« Rien !» fait Joey avec dépit. « Et toi ?»« Absolument rien !»« Caray, c'est un peu fort !»« Inutile de te demander si tu as bien cherché. Ce serait te faire injure. »« De même pour toi ?»« C'est entendu. Sans nous vanter, nous sommes les meilleurs batteurs d'estrade à 100 lieues à la ronde. » Alors il y a là-dessous quelques diableries. « Car enfin 5 hommes et 5 chevaux ne s'escamotent pas ainsi. » « Je ne crois ni au maléfice, ni au prodige, moi. »« Oui, mais moi, je suis aux 3/4 indien. Et quoique j'ai vécu avec les blancs, je ne suis pas un esprit fort. »« Voyons, mon bon Joey, ne fais pas l'enfant. Et donne-toi la peine de réfléchir un peu, sans parti pris. »« Je veux bien, mais aide-moi. »« Soit, allons-y. » Nous avons donc fait chacun 7 à 8 lieues en suivant la plage, et nous n'avons pas vu sortir de la lagune la trace des chevaux entrés ici. Or, pour franchir pareille distance, avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse, combien de temps leur aurait-il fallu? Pas moins de 8 heures. Parfaitement. Or, cela fourmille ici de crocodiles et de sangsues, les infiniment petits et les infiniment grands, également friands et voraces de sang ou de chair fraîche. Avant 3 heures, les chevaux eussent été dévorés ou saignés à blanc. Il a pourtant bien fallu qu'ils sortent. Mais non! Alors, que sont-ils devenus? Je parierai mon bob contre un âne boiteux que j'ai découvert le mystère. Explique-toi bien vite, et ne me fais pas bouillir sur place. Voici ce qui a dû se passer. Ces hommes que nous poursuivons nous connaissent et savent ce que nous valons. Ils ont parfaitement compris qu'ils ne sauraient nous échapper avec les moyens ordinaires. Ils ont donc, à tout risque, poussé leurs chevaux droit devant eux, vers le centre de la lagune. Comme la pente est insensible, ils ont pu avancer très loin. Quand leur pied leur a manqué, ils les ont fait nager vers une île flottante, une chinampa, dont ils savent l'emplacement exact. Joey sursaute comme s'il recevait une charge de petits plombs dans les mollets et s'écrie « Caramba, j'y suis !» Et tu es toujours le roi des rastreadores. Alors pendant que nous nous exterminons à les chercher ici, ces derniers rascals font la sieste au milieu des roseaux d'une chinampa. Je ne crois pas qu'ils s'y attardent longtemps. Ils ont certainement trouvé des pirogues de chasseurs de crocodiles et sont allés à la pagaie atterrir au diable de l'autre côté de la lagune. Mais les chevaux, qu'ont-ils fait des chevaux? Ils les ont sacrifiés, certains de pouvoir s'en procurer d'autres. Un coup de couteau à la nuque, ils ont coulé à pic, tué raide, au fond de l'eau. De telle façon que nous sommes roulés, mais roulés comme ne le furent jamais des gamins de 10 ans voulant jouer aux chercheurs de pistes. Pas tout à fait, puisque nous savons à peu près ce qu'est devenu l'ennemi. Maigre consolation, car les empreintes sont anéanties. Il y a celle du pied nu, et je ne m'illusionne pas sur sa valeur, car je ne pourrais guère faire déchausser tous les voyageurs que nous rencontrerons. Un hennissement violent de Bob lui coupe la parole. « Tiens, » dit-il froidement, « du nouveau. » Il regarde autour de lui et aperçoit derrière un pli de terrain une troupe qui émerge brusquement. « Ah bah, » dit-il surpris. « Ce sont des Indiens. D'où diable sortent-ils ?»« Ce sont en effet des peaux rouges. Il y en a bien 20aine. Ils s'avancent au galop. » Le premier mouvement de Jean et de Joey est de sauter en selle et de saisir leurs carabines. au désert la défiance est de rigueur. Le peloton accourt de plus belle, mais toutes les mains levées en signe de paix et de bienvenue. Un bon rire échappe aux deux jeunes gens qui s'écrient joyeux « Des amis, de braves amis !» Ils remettent les Winchester en bandoulière et partent à fond de train vers les ports rouges. La rencontre s'opère, affectueuse jusqu'à l'exubérance. De part et d'autre jaillissent des exclamations de joie. « Jean de fer, Joe Mousqueton !» Et l'en rapide, fleur de soleil. Ah, chef, dit Jean, quel bonheur de vous revoir. Flore, chère petite Flore, comme je suis heureux, balbutie Joey en rougissant jusqu'aux oreilles. On met pied à terre, on se serre les mains et Jean de fer ajoute. Mon frère le grand chef est tout à fait guéri de sa blessure. Oh, reprend l'Indien dont le visage rayonne, mon jeune frère est un grand médecin. Grâce à lui, l'en rapide est aujourd'hui fort comme un bison, et alerte comme l'animal dont il porte le nom. De son côté, Joey, qui étreint à les briser les menottes de bronze de la petite indienne, s'écrie émerveillé « Jean, Jean, mais regarde-la donc, à cheval, en expédition, avec son bras cassé par une balle et à peine remis. Cet enfant a l'âme d'un guerrier. » Cet éloge de sa vaillance enorgueillit 100 fois plus la jeune fille qu'une louange de sa beauté. Elle rougit sous son bistre et dit fièrement à Joey l'Indienne est heureuse des paroles de son grand ami, si intrépide et si bon. Les chevaux laissés en liberté fraternisent pendant que les gens causent éperdument. « Voyons, chef, reprend Jean de Fer, par quel hasard vous trouvez-vous ici ? C'est l'époque de nos grandes chasses au Caïman. Nous arrivons à Tlaoualila et nous devons y rester le temps de 2 lunes entières. Mais que fait ici mon frère avec Joey l'homme fusil ? Nous sommes sur la piste de guerre. Ao. Les ennemis de mon frère sont ceux de l'élan. Nous ne chasserons pas le caïman. Nous prendrons avec vous et avec Joey la piste. Quand partons-nous ? Non, chef, je vous remercie de tout mon cœur. Mais les ennemis que nous poursuivons ne sont que 5. Or, 5 contre nous 2, la partie est égale. Mon frère refuse ? S'écrie le chef dont le fier visage s'attriste soudain. Non, chef, j'accepte avec joie et reconnaissance. Mais plus tard. Notre expédition doit durer autant que votre chasse. Alors, si dans 2 lunes nous ne sommes pas de retour à cette même place, venez à nous, car nous sommes en péril. Il nous faudra le secours de vos bras vaillants. Où retrouverai-je mes 2 frères Jean et Joey ? À la Sierra del Palo. L'Indien tressaille imperceptiblement et répond « Que mon frère se défie et soit prudent. La Sierra est maudite, et elle a déjà fait bien des victimes. Oh, je ne crains rien. Et puis après tout ce que j'ai souffert, que peut-il m'arriver de pire ?» Fleur de Soleil bavarde à plein cœur, à pleines lèvres avec Joey. Elle entend néanmoins ses paroles désolées. Elle s'avance vivement vers Jean, prend sa main et dit avec une grâce exquise « Espère, ami, oui, espère. Le temps des épreuves passera et l'âme de notre chère Juana est avec toi. » Mais les minutes s'écoulent et Jean veut partir, quelque doux que soit cet entretien. Un secret pressentiment l'avertit que l'ennemi conserve l'avance et qu'il se dirige, lui aussi, vers cette Sierra del Palo. Pourquoi ? Il n'en sait rien. Mais, dans son fort intérieur, il est persuadé que les 5 inconnus ont pour objectif cette montagne mystérieuse. Sinon, pourquoi cette tentative d'assassinat contre lui ? Pourquoi cette fuite après la confidence de la nourrice ? Pourquoi cet empoisonnement des chevaux et ces précautions inouïes pour perdre la piste ? Oui, il est persuadé qu'il les trouvera là, soit sur le chemin qui conduit à la Sierra, soit devant la montagne elle-même. En conséquence, on abrège les adieux. Quelques rudes étreintes, quelques paroles d'affection, et les 2 amis remontent à cheval. Homme de devoir, Joey n'a pas demandé 1 minute de répit. Simplement, bonnement, il a embrassé sur les 2 joues, à la façon des Blancs, sa charmante petite amie Fleur de Soleil. L'enfant sourit sous l'œil indulgent de son père et dit à son ami « Au revoir, mon Joey. Ton souvenir habitera toujours mon âme. Oh oui, toujours. » Et lui murmure, en serrant les flancs de son mustang, « Flore, chère petite Flore, à bientôt, et pour la vie !» Les 2 chevaux s'élancent au galop et le métis, dont le visage resplendit, se retourne de temps en temps pour voir l'exquise créature lui faire de la main un dernier signe d'adieu. Ils marchent ainsi jusqu'au soir, campent sur le sable et repartent au petit jour. Le lendemain, Il double l'étape et arrive sans rencontrer âmes qui vivent dans un véritable désert de pierrailles nues, lavées, calcinées. Pas un arbre, pas un brin d'herbe, une solitude affreuse. On se couche sans boire et presque sans manger. Le jour suivant, par un prodige de vigueur et d'endurance, ils franchissent l'horrible désert. Les chevaux ont les pieds en sang et peuvent à peine se traîner. Mourant de soif, la face cuite, la gorge brûlée, les deux hommes les mènent à la bride et avancent en trébuchant. Ils ont fait 60 lieues en 3 jours. La nuit vient. Les malheureux vont se laisser tomber, anéantis, sur le sol maudit, quand brusquement les chevaux, qui semblent sur leur faim, retrouvent une nouvelle vigueur. Boitillant, bronchant, ils se mettent à trotter dans les ténèbres qui tombent avec une rapidité fantastique. Cela dure une demi-heure. Ils s'arrêtent. Bob hennit et se précipite au milieu de broussailles épaisses. « Écoute, » dit à son ami Jean de Fer, dont la langue desséchée peut à peine bredouiller les mots. « Écoute, il boit. » Ils s'affalent sur la terre et leurs mains sentent une herbe drue et fine. Ils se traînent et arrivent en rampant à une source où les deux chevaux boivent à éclater sur place. « Oh, de l'eau, de l'eau !» Ils se couchent à plat ventre et boivent à leur tour. « Oh, ce supplice de la soif, le plus atroce que puisse endurer une créature vivante !» Ils restent anéantis près de la source, ont juste la force de déceler et de débrider leurs bêtes et s'endorment d'un sommeil de plomb. Des ébrouements et des craquements de mâchoires les éveillent. Il fait grand jour et les chevaux triturent avidement les herbes fines et sucrées. Joey s'étire, les membres gourds, et s'écrie « Caramba, je meurs de faim et je mordrai sur du crocodile !» Un gloussement se fait entendre non loin, suivi d'un battement d'ailes. Jean fait signe à son ami de se taire et doucement se met à ramper, le revolver à la main. Quelques secondes s'écoulent, puis le gloussement reprend, un coup de feu retentit. « Ou je me trompe fort, » murmure Joey, « ou nous allons avoir pour notre déjeuner un dindon sauvage. » Cependant, Jean ne revient pas. Une minute, puis 2 minutes passent et Joey commence à s'inquiéter. Il appelle. « Jean, hé, frère, t'es-tu rendormi ?» Une voix lointaine, étouffée, méconnaissable, lui répond. « Joey, viens, Joey, vite, vite !» Cette voix est celle de Jean. Le métis, croyant à un danger, arme son revolver et bondit dans la direction d'où vient l'appel. Un soupir de soulagement lui échappe à la vue de Jean, tête nue, sans blessure mais horriblement pâle. Il aperçoit à terre le corps inerte d'un splendide oiseau d'un beau brun verdâtre à fauve reflet de cuivre. Une caroncule énorme lui enveloppe la tête et son poids dépasse 15 livres. C'est bien le Huaxalotl, ou dindon sauvage du Mexique, un des plus magnifiques volatiles du monde. Un manger délicieux d'ailleurs. Percé par la balle de l'infaillible tireur au moment où il venait de prendre son essor, il est tombé au bas d'une roche grise. Et maintenant, Jean, sans même regarder son gibier, se cramponne, tout pâle, à cette roche, comme s'il allait défaillir. « Mais enfin, voyons, frère, qu'y a-t-il » demande Joey d'une voix altérée. « Parle, dis-moi quelque chose, tu me fais peur. » Le jeune homme semble s'éveiller au son de ses paroles amies. Du doigt, il montre les cimes basses trapues d'une chaîne de montagnes qui émergent des pétaillis et il ajoute avec effort « C'est la Sierra del Palo. » Puis son doigt s'abaisse et s'arrête, crispé, sur la roche grise. Au milieu des érosions, 2 lettres, formant un monogramme, apparaissent distinctement. « À présent, regarde !» continue Jean. « Ah, mon Dieu !» s'écrie Joey en pâlissant à son tour. « Les lettres ! Ton père !» Le monogramme demeurait intact et profondément gravé sur le roc. Il est formé par la réunion d'un A et d'un V, majuscule ainsi accolé, AV. Joey se souvient des confidences que leur fit sa mère pendant cette nuit qui précéda leur départ. Puis, la terrible histoire du père de Jean, le malheureux Antonio Valdés, la triste victime des fatalités accumulées. Puis encore, la légende séculaire, le trésor fabuleux des anciens rois aztèques, la découverte que fit Valdés de ce trésor cherché avec acharnement depuis plus de 3 siècles. Et enfin, cette précaution qu'il prit de graver, de place en place, comme point de repère, ses initiales, après avoir tracé avec son sang, sur un mouchoir, le plan qui lui fut volé par le misérable qui l'assassina. Tout cela surgit d'un seul coup dans le cerveau du métis qui regarde pétrifié son ami. Jean pousse un long soupir et reprend d'une voix brisée. Ah, notre cher Mamita ne s'était pas trompé. Sa mémoire fut fidèle comme son cœur. Et ces lettres sont bien celles que grava mon père, avec la pointe de son couteau. C'est prodigieux. Oui, c'est prodigieux. Ainsi, il a fallu ce hasard vraiment inouï, d'un gibier tombé là, tout contre, pour me les faire découvrir. Juge de mon saisissement, qu'en me baissant pour le ramasser, j'aperçus les lettres. Tout ce passé de misère, de larmes, de honte et de sang surgit devant mes yeux, et je crus que j'allais défaillir, moi, Jean de Fer. Oui, frère, je comprends. Moi-même, je suis comme toi, troublé jusqu'au fond de mon être. Quoi qu'il en soit, nous sommes du moins sur la piste de ce trésor immense. Oui, le monogramme est une indication précieuse, autant dire essentielle. Mais si tu me vois ainsi bouleversé, ce n'est pas de cupidité, mais parce que mon père a lutté ici, qu'il a souffert et espéré. Quant au trésor, je veux le conquérir, car de sa possession dépendent la vengeance et l'honneur de mon nom.